En seulement 3 minutes, ce à quoi tu penses doit être dit. Des fois le soir, le froid nuance le ressenti de mes sens à l'air libre. Alerté partout et rien, écoutez bien à quoi on sert. Si ce n'est balancer des couplets qui tapent à l'ancienne. Pas d'intérêt de zoomer sur la case long terme. Se perdre à trouver nos rêves échoués pour clôturer la parenthèse. Les idées font mal, c'est dur de cibler le combat. L'espoir est rare, mérite-le, évite de risquer ton âme mon gars. Insensible aux effets de mode, j'essaie de mettre mon rap en avant. Les choix entre mes parents, mes potes, se télescope. Et je parle en sachant classique, me prendre court. Comme au cinéma, le film me transporte. Je prépare mon plan de force, le vent tourne, me cause de petites séquelles. Je veux pas faire la gueule au réveil quand les lumières de la ville s'éteignent. Mon texte passe trop vite, la liste des sujets s'agrandit. Comme l'impression que l'année prochaine j'aurai déjà 30 piges. On verra, je fais semblant d'avancer sans stress. J'encaisse le temps de faire des versets qui transpercent l'assemblée gambère. J'engraine ma pensée petit à petit, peu de didactique dans mon parcours à bouger la rime tactile. On est là, on pratique sans arrêt pour trouver chaque mot évident. Ego face à face, la loi des phases communiquant, c'est simple. Tous les 10 ans de nouveaux styles apparaissent, on s'applique sur la technique sans s'inventer de vie parallèle. La sensation de chance, les mes jambes expensive. La sensation de chance, c'est que mes jambes cèdent d'une après l'autre. Je vis à sampler sans cesse, en clair, je veux plus taffer. Je profite de chaque occasion et reste conscient qu'à terme, ce sera concentré. Ça fait trop longtemps que la potion m'assert. Donc, comme d'hab, ça kick, vu qu'y a rien à faire d'autre. Au loin la berge, je sais qu'il faudra bien que je traverse l'eau. C'est dingue comme les choses bougent, on se doutait que tout allait cool. Mais tu te cours, tous ceux que tu croyais de vous sont couchés. Le rap, j'en oublierai presque d'y prendre du plaisir. Cause de rivalité, stop tes commentaires, comment ça me plaire, tu saisis. L'essentiel, c'est déjà ça. T'avais tout dans les mains, donc n'essaie pas de nous ressembler à avec ou sans pépin, mais je vous le dirai plus tard. Où je vis, j'ai beaucoup de soucis, mais je suis allié à full d'inédits. Faut que l'inspire est une source inépuisable. Je connais le refrain, trouve toi autre chose. Pour toi, y'a aucune place, trouver des limites à mes propos. Pourquoi pas le sur Mars? Faut départ, j'ai laissé parler mon alter ego néfaste. Je dois faire de gros efforts si je veux pas que l'avenir nous sépare. Des trônes et par quiconque veut m'apprendre. Disons que ça me tente de fermer le claque, merde du premier petit con de ta bande. Pas le temps de prendre des pincettes pour débroussailler la jungle. Toi et tes seufs, êtes les seuls à penser que vous soyez à plaindre. M'atteindre, t'en cours la sentence, la transe, t'encourage à en prendre. Cours, la chance tourne, avance, cours, tambour battant. Trois minutes pour décrire le vide. La monotonie de chaque réveil et la sensation d'avoir une enclume sur le bide. J'assomme mon cerveau, je dis que j'en ai marre d'avoir l'impression de nager la brasse couler dans un verre d'eau vide. Pourtant je m'infiltrais. Je me cherche encore moi-même, si tu pensais m'avoir cerné, t'en es pas si près. Mon cœur est ainsi fait, le principe c'est s'ouvrir pour mieux se fermer. Ça, à vrai dire, j'en suis pas si fier. Finir par s'y faire jamais. Celui qui me soumettra n'est pas né comme celui qui pourra me faire ça. Mais ça fait des années que je taffe, mes rimes à les passes. Moi, la résine et mon stylo vide fait noir s'il a les pages. Ma rétine capte un tas de trucs. Je garde en tête de faire de la musique et pas des calculs. Je m'écarte du rivage et pas d'un seul de mes principes. Car la victoire ici ne pouvait s'envisager qu'à la condition. Rester calme, il fait prêt. Je me reconnais en rien à part mon putain de peur. Ah oui, c'est vrai. Écrire des rimes, tu crois que ça m'aide là? Le soir défonce et je me couche sur du roca et me lève sur du Redman. Un spliff en guise de bouée. Les temps sont plus, me cherche encore dans quel schéma. Je voudrais voir ma vie se dérouler vu le bordel environnant et la gueule du quotidien. Je promets à tous ceux qui m'épaulent de veiller sur eux.